tonnerre dans l'univers de l'informatique quantique. Google affirme avoir atteint la suprématie quantique, c'est-à-dire avoir réalisé à l'aide d'un ordinateur quantique une opération impossible à résoudre avec un ordinateur classique. En l'occurrence, une opération réalisée en 3 minutes 20 qui aurait pris plus de 10 000 ans à l'ordinateur actuel le plus performant. Cet article a été immédiatement retiré du site de la NASA, mais cela n'a pas empêché de faire frémir les acteurs privés et académiques engagés dans la course à l'ordinateur quantique. Alors sommes-nous à l'orée d'une nouvelle ère ou était-ce un effet d'annonce prématuré ? Suprématie quantique, que de la Google, c'est le programme informatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Une semaine avec une titraille un peu compliquée, on va essayer de se reprendre pour vous offrir des titres un peu plus décents la semaine prochaine. Néanmoins, pour essayer d'y voir plus clair, de trier le bon grain de l'ivraie quantique et de comprendre les enjeux informatiques et technologiques autour de cette accession donc à cette fameuse suprématie quantique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eleni Diamanti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de recherche en informatique à Sorbonne Université. Et Anthony Leverrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à INRIA, mais avant de basculer dans le monde quantique, nous allons rester quelques minutes encore dans notre bon vieil univers de silicium pour aller à la pêche des dernières informations scientifiques du jour avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec un nouveau prototype de détecteur de neutrinos. Les neutrinos, ce sont les particules élémentaires les plus abondantes de l'univers, mais qui sont aussi les plus difficiles à détecter, car elles interagissent très faiblement avec la matière. Donc pour capter ces interactions, il faut construire des détecteurs très massifs, qui ont suffisamment de noyaux atomiques, qui sont des cibles pour ces neutrinos. Et c'est ce qui est en train d'être testé en ce moment au CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Le CERN teste le détecteur prototype Protodune. Protodune est de très grande taille, il fait environ 3 étages et il possède un énorme volume d'argon liquide de 70 000 tonnes en tout. Il repose sur une nouvelle technologie qui s'appelle double phase et qui augmente les performances dans la détection des neutrinos. Dario Otiero est directeur de recherche au CNRS, il fait partie du groupe qui a développé cette technologie. Alors, une technologie qui était avancée vers la fin des années 70, c'est la technologie de la chambre à projection temporelle argon liquide, que c'est un détecteur complètement rempli d'argon liquide, où les neutrinos vont interagir avec les noyaux de l'argon, ils vont produire des électrons qui après vont migrer vers les faces du détecteur où ils sont détectés par un système d'électrodes qui sont immergées dans l'argon. Dans la variante qu'on appelle la double phase, on a essayé d'améliorer cette technologie pour l'amener à ces dimensions de très grande taille en extrayant les électrons du liquide, en les amenant dans la phase gazeuse qui se trouve au-dessus du liquide pour pouvoir les amplifier avec des petites avalanches qui se font passer dans les gaz mais pas dans les liquides et avoir des signaux plus forts. En même temps, tout ça, ça simplifie la construction du détecteur, ça mène à des performances meilleures et ça rend possible de construire d'une façon plus simple et économique des détecteurs de très grande taille. Et on passe au bref. La NASA a présenté hier ses nouvelles combinaisons spatiales. Ce seront celles utilisées pour les prochaines missions sur la Lune en 2024, avec le programme Artemis 3. Plus confortables, plus maniables, plus hermétiques, elles sont conçues pour faciliter les déplacements dans l'espace et sur le sol lunaire. Plus autonomes aussi, elles permettent des sorties spatiales de 8-9 heures environ. Et autre nouveauté, ces combinaisons sont mixtes, ce qui confirme bien la volonté de la NASA d'envoyer des femmes sur la Lune. Dans Nature Communication, une équipe française vient de mettre en évidence le fonctionnement du virus Zika. Comment ce virus transmis par le moustique passe des cellules sanguines au tissu cérébral? Les chercheurs ont suivi l'évolution de ce virus avec une série d'expériences. Une in vivo sur un poisson zèbre infecté et une in vitro sur des organoïdes cérébraux développés à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Le virus utilise la technique du cheval de Troie. Il détourne un processus physiologique en se cachant dans les monocytes, un sous-type de globules blancs. Le virus manipule ensuite leurs propriétés adhésives pour améliorer la transmigration des monocytes infectés vers les cellules neuronales. Et enfin, une étude parue dans la revue Ecological Indicators. Avec la hausse des températures, les tortues de mer pourraient ne produire que des tortues femelles à 100%. Et d'une part, on sait que les jours de ponte dépendent de la température ressentie par les tortues. Quand le thermomètre augmente de 1 degré, la ponte est décalée d'environ 7 jours. Et d'autre part, le sexe est déterminé par la chaleur ambiante. Face au changement climatique, les chercheurs du laboratoire Écologie Systématique et Évolution d'Orsay ont évalué le potentiel adaptatif de cette population de tortues de mer. À partir de modèles de développement embryonnaire et de phénologie des pontes, ils prédisent que non seulement elles ne produiront que des femelles et que dans tous les cas, la réussite de l'incubation des œufs sera considérablement réduite. Merci Natacha, Journal des Sciences, que vous pouvez retrouver comme chaque jour en podcast ou sur le site franceculture.fr, ainsi que toutes les études qui sont évoquées via notre fil Twitter @laméthodefc. Je le rappelle pour nos auditeurs qui n'ont pas Twitter, ce fil Twitter, vous pouvez également le retrouver sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Voilà, c'était donc la semaine du 16 septembre dernier, un article publié sur le site de la NASA sous le titre Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Process. La suprématie quantique à l'aide d'un processeur superconducteur programmable. Alors chaque mot importe dans ce titre, on va les analyser les uns après les autres. Et dans tout cet article, dans lequel est un article qui est signé Google et Quantum and Collaborators, c'est le nom sous lequel il a été signé. Et cet article affirme donc avoir atteint cette fameuse suprématie quantique, à savoir avoir réalisé une opération via un ensemble de qubits, opération qui n'aurait pas pu être réalisée par un ordinateur dit classique. Alors, si tout le monde s'attend d'un jour à l'autre, mais plus vraisemblablement vers l'horizon 2030-2040, à ce que cette suprématie quantique soit atteinte, cette publication Google a pris en l'occurrence tout le monde de court, d'autant que l'article a été très rapidement retiré du site de la NASA sans explication ni commentaire de la part de l'entreprise. Alors Google a-t-il ou non atteint cette fameuse suprématie quantique ? Qu'est-ce que cela va changer dans le développement futur de l'informatique quantique ? Eh bien, à peu près ce que cela a pu changer lorsque nous sommes passés en 1957 de la machine à compter au tout premier ordinateur de série d'IBM, l'IBM 704, comme en témoigne cette archive. J'ai à mes côtés Monsieur Roudil, directeur de l'Institut européen de calcul scientifique. Monsieur, je voudrais vous demander de nous donner les caractéristiques essentielles de l'ordinateur 704. L'ordinateur occupe une salle de 300 mètres carrés. Son poids total est de 21 tonnes. Elle est composée de 23 unités. Et pourriez-vous nous donner une idée de sa capacité de calcul, de sa vitesse de calcul ? Sa capacité est énorme puisqu'elle peut mémoriser 200 millions de chiffres binaires et sa vitesse d'opération est telle que 42 000 opérations arithmétiques à la seconde sont possibles. C'est en effet énorme. Pourriez-vous nous indiquer maintenant un exemple pratique de cette rapidité ? Comme exemple, je prendrai le vol d'engin qui est quelque chose de connu par tout le monde. Manuellement, le calcul demanderait 1200 heures de calculateur. La machine demande simplement 25 secondes, ce qui est un temps à peu près équivalent au temps de vol de l'engin lui-même. Voilà, nous sommes en 1957, ce premier ordinateur de série, l'IBM 704. Une réaction peut-être à cette archive, Anthony Le Verrier. Est-ce que le passage à l'informatique quantique, ce serait ce même bond exponentiel finalement entre ce que permettent aujourd'hui les ordinateurs dits classiques et ce que permettraient les ordinateurs avec des qubits? Donc effectivement, ça c'est ce qu'on attend. On attend que le jour où il y a un ordinateur quantique assez gros, on aura un bond en termes d'efficacité de calcul. On pourra calculer certaines choses beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut calculer aujourd'hui avec un ordinateur classique. Le point auquel il faut faire attention, c'est que quand on parle de suprématie quantique, on ne parle pas exactement de ça. On parle d'une tâche qui n'est pas encore une tâche, un problème très utile. Ce qu'a fait Google, on va y revenir. C'est vraiment résoudre un problème qui n'est pas très utile, mais qui peuvent résoudre plus rapidement qu'on pourrait le résoudre avec une machine classique. Hélène Debianti, un mot sur cette archive. pour comprendre justement ce que c'est que ce combat pour la suprématie quantique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça monopolise autant de monde, autant dans le secteur privé d'ailleurs que dans le secteur académique? Oui, tout à fait. C'est à cause de l'impact justement incroyable que pourrait avoir un ordinateur quantique universel. Donc là, il faut faire très attention. Justement, j'ai rejoint ce que vient de dire Anthony, que finalement, les applications d'un ordinateur quantique qui pourrait faire toute application possible, un peu tout calcul possible, comme nos ordinateurs actuels, avec une accélération qui est promise par les propriétés de la physique quantique, pourrait avoir un impact très considérable sur nos capacités de traitement d'information. C'est de là où vient cet engouement pour cette technologie de calcul quantique. Et les pas qu'a franchi Google est attendu depuis longtemps. On s'est dit, même dans la feuille de route de la Commission européenne pour les calculs quantiques qu'on est en train d'écrire maintenant, c'était écrit avant l'annonce de Google qu'on espère avoir une première confirmation des suprématies quantiques dans quelques années, sans définir exactement qu'est-ce que ça veut dire quelques années. Et maintenant, on a ces résultats. Donc, ça explique pourquoi c'est si important. Alors, on va effectivement, et vous faites bien de le préciser immédiatement, on ne parle pas du tout pour le moment d'ordinateur quantique universel, absolument non. Pas. Qu'est-ce que c'est exactement que cette suprématie quantique qu'a revendiqué Google, Anthony Varlier, qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi tout de même, c'est malgré tout un premier pas relativement important, même si on va voir, ça peut être aussi beaucoup de communication. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que construire un ordinateur quantique, c'est vraiment un travail de très longue haleine. Donc, les gens travaillent dessus depuis une vingtaine d'années, grosso modo. Mmh. Et on espère avoir un vrai ordinateur quantique universel à horizon 20, 30 ans, peut-être encore. On dit 2030-2040. On verra. On discutera de ça. On verra. C'est effectivement un peu putatif. Et donc, étant donné que ça va prendre beaucoup de temps pour arriver jusque-là, je pense que c'est important de poser des jalons clairs, intermédiaires. De choses qu'on peut faire à un moment donné qu'on pouvait pas faire avant. Et donc, il y a 6-7 ans, il y a un chercheur américain qui s'appelle John Preskill qui a proposé ce concept de suprématie quantique comme étant une tâche ou un problème, donc un problème bien posé, pour lequel un ordinateur quantique peut trouver la solution beaucoup plus rapidement que n'importe quelle machine classique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les problèmes en question, c'est vraiment des problèmes très, très, très ad hoc, et qui n'ont aucun intérêt pratique pour personne. Et donc là, en particulier, le problème qui est résolu par Google n'a aucun intérêt, donc on pourrait y revenir, je pense. On peut peut-être en parler tout de suite, d'ailleurs. C'est quoi ce problème qui a été résolu en quelques mots? Hélène Diabianti, vous voulez... Ou non, Anthony Le Verdier, allez-y. Donc ce problème, en fait... Et en combien de temps, surtout? Quelle est la différence d'échelle? Ouais, donc la différence d'échelle, c'est 300 secondes à peu près, c'est quelques minutes pour l'ordinateur quantique, pour leur machine quantique, contre 10 000 ans potentiellement pour des supercalculateurs classiques. Et le problème, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un problème vraiment un petit peu bizarre, c'est un problème c'est générer de l'aléa, en fait. Donc c'est, faut imaginer, si vous, par exemple, vous voulez simuler un lancer de dés, un dé à jouer avec 6 faces, mais un dé qui est biaisé. Donc les faces n'ont pas la même probabilité de tomber voilà. Les unes sur les autres. Et donc ça, c'est facile à faire parce qu'il n'y a que 6 faces. Et ce que Google fait, c'est en gros faire la même chose, donc tirer avec un très gros dé, mais un dé qui a 10 puissance 15 faces, donc 1 million de milliards de faces, et qui est biaisé également. Et donc ça, c'est quelque chose que classiquement, on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas calculer les probabilités en question de chacune des faces. Et quantiquement, la machine de Google est capable de faire ça plus ou moins bien. Pas très très bien, mais beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire classiquement. D'accord. Alors, on va revenir sur le pas très très bien, parce que c'est aussi très important en informatique quantique. Le papier de Google parle de 53 qubits, Hélène Diamanti, 53 qubits. Alors, on sait que les qubits, plus on les accumule, ça devient exponentiel. Aujourd'hui, on a vu des vraies machines ou des ordinateurs quantiques qui fonctionnent avec quelques qubits, une dizaine, 53, c'est déjà un saut quantitatif important. Tout à fait. Ça fait quelques années maintenant pas beaucoup d'années, que Google, IBM augmente le nombre de qubits qui sont capables de manipuler et de contrôler. C'est toute une question de qualité de contrôle de ces qubits. Donc ça augmente. On était à 17 à un moment, 53. Il faut dire que Google aussi avait annoncé plus de 53 qubits, mais ils sont un peu revenus en arrière. Donc ils ont défini une nouvelle architecture qu'ils appellent Sycamore. Tandis qu'avant, ils utilisaient une architecture Brickleystone qu'ils avaient appelé. Donc 53 qubits, en fait, c'est moins des qubits que ce qu'ils avaient avant, mais ils ont moins d'erreurs. Donc ils ont atteint avec cette architecture-là une bien meilleure qualité, et c'est ça qui leur a permis d'atteindre ces régimes d'opération qu'on peut appeler, qui leur ont permis de démontrer cette suprématie quantique. Et on va voir là aussi, on va y revenir dans quelques minutes hein, sur cette notion d'erreur avec les qubits qui est important, et la marge d'erreur, c'est un des enjeux très très importants hein, de réussir à la réduire pour faire fonctionner ces machines. Qu'est-ce qu'il faut penser, Anthony Le Verrier, de la rétractation de ce papier et du silence de Google? Ah, ça, je pense que c'est juste la procédure un petit peu éditoriale. Donc les papiers scientifiques, hein, ils sont soumis à des journaux, donc typiquement Nature ou Science hein, pour les gros papiers. Donc il y a tout un pendant un certain temps, donc le papier va être envoyé à des experts qui vont pouvoir faire comité des lecture, voilà, comité de lecture qui va faire des relus par les pairs, etc. C'est exactement ça. Et au bout d'un moment, le papier va être accepté, et puis une fois qu'il est accepté, quelques temps après, il va être publié. Et là, ce qui s'est passé, ce qu'on pense, c'est que le papier, en fait, il a été soumis à une de ces revues. Il a été essentiellement accepté. Donc, il y a cette version qui est essentiellement finale. Mais tant que le papier n'est pas officiellement publié par l'éditeur, il y a un embargo. Donc, les auteurs n'ont pas le droit de communiquer dessus. Et le papier, il est apparu parce que il est apparu. Il y a quelqu'un parmi les auteurs, il y a quelqu'un qui travaille à la NASA. Donc, la NASA, quand ils ont un papier qui paraît quelque part, ils le mettent sur un serveur public. Là, cette version-là, elle a été mise sur un serveur privé, je crois. Mais en fait, il y a les robots Google, vous savez, les Google qui va chercher un peu tout sur le web, qui a réussi à trouver ce papier Google et qui l'a envoyé, qui l'a emailé à plein de gens qui sont intéressés par les. Donc, les gens peuvent s'abonner à des thèmes, et donc les gens qui sont intéressés par l'ordinateur quantique ont reçu ce papier. Notamment des journalistes du Financial Times qui ont sorti. Voilà, le loup. Donc, en fait, Google a été trahi par Google, c'est quand même incroyable. Okay. Exactement. On adore cette histoire. Pour conclure sur cette histoire, et puis on va essayer de comprendre un peu tout ce qui est en jeu et le défi technique que cela représenterait. Alors, on sait qu'il y a une guerre entre les acteurs privés, Google, IBM d'une part, les acteurs académiques de l'autre, puisqu'il y a beaucoup de recherche et de développement qui est en cours sur cet ordinateur quantique dans un certain nombre d'institutions et d'universités. Est-ce que c'est une vraie surprise? Est-ce que c'est un vrai coup de force de Google, si tant est que ce soit confirmé, évidemment? Ou est-ce que finalement, c'est juste, comme vient de le dire Anthony Le Verrier, un jalon supplémentaire auquel on s'attendait et qui de toute façon va arriver et va être aussi accompli par d'autres institutions, qu'elles soient publiques ou privées? Léni Diamandis. C'est un jalon de taille quand même. On ne peut pas minimiser l'importance de ces résultats, même si on est critique, même si on peut trouver beaucoup de choses à dire, et même si on n'aime pas cette définition de suprématie quantique, il y a plein de discussions qu'on peut avoir sur ces résultats de Google, mais ça reste une prouesse technologique absolument extraordinaire. Et donc de ce point de vue, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est un résultat qui va stimuler, qui a stimulé déjà beaucoup d'interactions, même scientifiques, même de très haut niveau, pour décider est-ce que c'est vraiment de la suprématie quantique, comment on définit la suprématie quantique, comment ils ont fait et qu'est-ce qu'il faut faire après. C'est les sujets qu'on va discuter. Moi, d'un point de vue expérimental, on ne s'y attendait pas. Personnellement, je m'attendais, je vous dis, on a dit dans quelques années, etc. Mais c'est venu plus tôt, je dirais assez rapidement, ouais. Anthony Verrier, votre point de vue là-dessus? Non, je n'ai rien à dire. Je suis en accord avec ce que vient de dire Léni. Donc... Tout pareil. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons donc d'ordinateurs quantiques et de suprématie quantique avec Léni Diamanti, Anthony Le Verrier. Vous nous avez dit effectivement, Anthony Le Verrier, que cette idée de suprématie quantique, c'est-à-dire la capacité d'un ordinateur quantique à résoudre en peu de temps ce qui serait quasiment impossible à résoudre à l'échelle humaine, disons, par un supercalculateur, cette idée, elle date d'il y a une dizaine d'années. Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui bloque encore, en fait. Dans la construction de cet ordinateur quantique, on l'a dit, Google arrive à mettre 53 qubits, à aligner 53 qubits, à les faire fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, l'un et l'autre, pourquoi c'est si difficile d'ajouter qubit après qubit et pourquoi est-ce qu'on a du mal à les faire fonctionner ensemble? Anthony Verrier. Ouais, donc ce qu'il faut voir, c'est que donc un qubit, le support de l'information quantique qui permet de faire les calculs. Peut-être nous rappeler ce que c'est qu'un qubit, déjà, on va commencer par ça. Donc classiquement, donc un ordinateur classique, ça travaille sur des bits, ça travaille sur des 0 et des 1. Toute l'information qu'on rentre dans l'ordinateur est transcrite en 0 et 1. L'ordinateur va faire des calculs sur ces 0 et ces 1, puis il va retranscrire le résultat sous une forme qui est lisible par l'être humain, donc une image, un texte, un son, une vidéo. Donc classiquement, on travaille juste avec des 0 et des 1, donc des bits. L'idée de l'ordinateur quantique, c'est de travailler non plus avec des bits, mais avec des bits quantiques, qui peuvent être 0 et 1, mais également toutes les superpositions de 0 et de 1. Donc le principe de superposition, c'est un principe de mécanique quantique qui dit qu'il n'y a pas que l'état 0 et l'état 1, il y a toute une gamme d'états un petit peu intermédiaires entre 0 et 1, des superpositions d'états. On peut rappeler pour nos auditeurs qui luttent un peu avec la mécanique quantique que cet état de superposition, c'est le fameux chat de Schrödinger, qui peut être à la fois vivant et mort en même temps, tant qu'on n'a pas vérifié dans la boîte s'il est vivant ou mort. Donc on peut être 0 ou 1, mais tant qu'on n'a pas regardé, tant qu'on n'a pas mesuré, eh bien une particule est à la fois 0 et 1 et tous les états qui sont intermédiaires entre les deux. Tout à fait. Donc pour faire ça à l'échelle d'un atome, on sait faire. À l'échelle d'un chat, on sait pas faire. Dieu soit loué. Et donc l'ordinateur quantique, il va exploiter en fait ces 0 et ces 1, c'est-à-dire que au début du calcul, il est juste des 0 et des 1, à la fin du calcul, il y aura des 0 et des 1 comme l'ordinateur classique, mais pendant le calcul, il va pouvoir exploiter ces superpositions d'états, donc il a accès à plus d'états pendant le calcul, et comme il a accès à plus d'états, on va pouvoir faire plus d'opérations sur les états en question, et en particulier, on va pouvoir faire des opérations qui vont permettre d'accélérer beaucoup ce qu'on pourrait faire classiquement. Classiquement, on est juste 0 et 1, donc on est obligé, si on veut faire certaines opérations, on est obligé de faire plein d'étapes élémentaires. Alors qu'avec un ordinateur quantique, étant donné qu'on a plus d'états, on est capable de faire des opérations plus rapidement. Et c'est comme ça qu'on a une accélération quantique pour certains problèmes. Donc ça c'est voilà le résumé d'un qubit. Je vais vous renvoyer tout de suite parce que comme le disait au début de cette émission, c'est pas la première fois qu'on parle de l'ordinateur quantique, donc on va pas repasser par toutes les étapes d'explication. On va vous renvoyer en revanche à l'émission que nous y avions consacrée en vous mettant un lien sur le fil Twitter de l'émission. Pourquoi est-ce que c'est si difficile donc aujourd'hui, Eleni Diamanti, d'avoir de nombreux qubits qui fonctionnent ensemble? On sait faire avec des petits nombres. IBM a même permis aux internautes d'avoir accès à un ordinateur à 2 qubits sur le web pour pouvoir utiliser. Un peu plus, oui. Au début, c'était 2 qubits, maintenant c'est un peu plus, mais enfin bref, on sait en faire quelques-uns. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça bloque? Parce que pour faire un calcul quantique, il faut faire interagir ces qubits qu'a décrit Anthony entre eux-mêmes. Et donc, du coup, cette interaction, ça veut dire qu'il faut savoir les contrôler ensemble et appliquer aussi des portes, ce qu'on appelle des portes logiques, c'est-à-dire que l'état du système final va dépendre de ce qui se passe avec les qubits et de l'entrée. C'est ce qui se passe. On a des portes, c'est comme ça que ça fonctionne aussi nos ordinateurs actuellement. Donc ça, c'est un modèle tout à fait normal, sauf qu'ici, on parle des systèmes physiques. Et donc, pour pouvoir les manipuler et les faire interagir de façon contrôlée et de façon où leur corrélation, on ne les perd pas avec l'environnement, ce qu'on appelle décohérence, c'est extrêmement compliqué. C'est ça qui rend extrêmement difficile la mise en échelle de ce type de système. Et on avance petit pas, parce que les erreurs s'accumulent. Il y a l'interaction avec l'environnement. Chacune de ces portes logiques dont on a parlé ne se fait pas parfaitement. Il y a donc une certaine probabilité d'erreur, Et donc, si on met beaucoup de portes, les erreurs s'accumulent. Voilà. Et donc, le calcul, finalement, n'est pas bon. Mmh. C'est ça la... Alors, on peut peut-être revenir sur quelques éléments clés de ce que vous venez de citer. Il y a donc ce problème d'intrication et de décohérence, Anthony Leverrier. C'est-à-dire que plus il y a de qubits, plus c'est difficile de maintenir cette intrication quantique qui va aider justement à accélérer cette puissance de calcul. Oui, tout à fait. Donc, plus il y a de qubits, plus c'est difficile de maintenir l'intrication, donc la superposition des états. De ces états. Et en plus, comme disait Eleni, si on veut faire des portes, si on veut agir sur ces qubits, on est obligé d'agir sur chacun d'entre eux. Et quand on agit physiquement sur l'un d'entre eux, on va avoir tendance à parler aux voisins et à créer du bruit, à créer des interférences. On peut rappeler que les portes logiques, c'est et, ou, enfin c'est des... Donc, classiquement, c'est et, ou, et quantiquement, il y a les versions un petit peu... Ouais. Avec des portes supplémentaires, puisqu'on a le droit à des états supplémentaires, donc on a des portes supplémentaires. D'accord. Exactement. Et alors, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut comme contexte, comme environnement pour réussir à conserver au maximum, Eleni Diamanti, cette cohérence, cette intrication quantique? Ça nécessite d'avoir des équipements est relativement lourd encore aujourd'hui, notamment en termes de protection, d'interférences, qu'elles se soient en termes de température ou électromagnétique. Tout à fait. Il faut isoler suffisamment bien les systèmes quantiques de l'environnement, justement pour éviter cette perte d'informations et de corrélations. Et donc, ça demande en général des conditions de travail cryogénique. Donc, en général, c'est des systèmes très lourds et très complexes. Donc, il faut protéger nos qubits. C'est ça. Et il faut aussi quand même pouvoir agir très précisément sur chacun d'entre eux. Et ça aussi, donc, adresser les qubits, l'adressabilité de chacun des qubits est très complexe aussi, sans interagir avec ceux qui sont à côté, les voisins, exactement, le qubit voisin. Alors, concrètement, ça c'est en termes informatiques, mais concrètement, dans l'ordinateur, c'est quoi un qubit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un atome? C'est, comment ça marche? Alors, il y a plusieurs solutions. Ça, c'est une très très bonne question. Il y a plusieurs, d'ailleurs, plateformes scientifiques, plateformes technologiques pour mettre en place un ordinateur quantique. Et il n'y a pas de vainqueur, si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas, toutes les technologies ont leur avantage et leur désavantage. Donc, on peut coder cette information quantique. Donc, on peut faire notre qubit. Ça peut être un spin dans un semi-conducteur. Ça peut être un atome froid. Ça peut être un ion piégé. Ça peut être un qubit supraconducteur comme celui de Google et qu'on va entendre dans le reportage dans un instant. Ça peut être un photon aussi. Donc ça, c'est, je vous dis ici, il y a des qubits topologiques, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de plateformes. Et pour avoir un calcul, pour pouvoir mettre en place un vrai calcul quantique, il y a une série de critères que ces systèmes physiques doivent satisfaire pour avoir l'espoir de pouvoir faire un calcul en grain de sel. Et donc, on appelle ça des critères de DiVincenzo, voilà, parce qu'ils ont été proposés par un chercheur il y a quelques années encore. Donc, il faut pouvoir préparer un état initial pour notre système physique. Il faut pouvoir les contrôler, comme on a dit, pouvoir faire des portes, une série de portes pour un calcul universel. Il faut pouvoir les détecter aussi, donc mesurer l'état quantique avec suffisamment bonne qualité. Précision, ouais. Il faut que ça décore et décohère pas trop rapidement. Voilà. Et donc, il faut garder du temps et ça, on va voir que c'est pouvoir faire un calcul problème complexe. Oui. Ce qui est important, ce qu'on peut peut-être comprendre sans effectivement rentrer dans le détail de tous ces différents qubits physiques, c'est que tous ces qubits, que ce soit des spins, que ce soit des ions, que ce soit. Ce sont en tout cas l'exploitation des propriétés quantiques, justement, de ces particules voilà, à l'échelle atomique, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Voilà, c'était dans tous les cas. Très bien résumé, monsieur. C'est l'exploitation de ces propriétés. Peut-être qu'on peut aller voir comment ça marche quand on lève le capot de la machine, puisque Sycamore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Elinie Mantis, c'est l'ordinateur quantique de Google. C'est basé sur le principe d'un processeur supraconducteur. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé donc chercher à comprendre avec toute la meilleure volonté du monde comment fonctionne comment fonctionne ce type de processeur qui est donc fondé, Antoine, comme vous allez nous l'expliquer, sur les supraconducteurs. Oui, je me suis rendu dans les locaux du groupe Quantronics du CEA de Paris-Saclay. Pour le dire très brièvement et aussi simplement que possible, les circuits supraconducteurs sont des circuits électriques de taille micrométrique comportant des électrodes métalliques qui deviennent supraconductrices, c'est-à-dire qui conduisent l'électricité sans résistance à très basse température. J'ai rencontré Patrice Berthet, qui est membre du groupe Quantronics, et il nous explique pourquoi les recherches fondamentales menées par son groupe peuvent avoir une implication en information quantique et pourquoi leurs travaux autour des circuits supraconducteurs pourrait permettre d'améliorer les performances des bits quantiques, notamment en termes de temps de cohérence. Les qubits supraconducteurs sont apparus il y a une quinzaine d'années, 20 ans plus exactement, et ce sont des circuits donc métalliques de taille entre le micron ou le millimètre, donc qui peuvent être conçus un petit peu à volonté, et qui sont constitués de matériaux supraconducteurs et de ce qu'on appelle des jonctions Josephson, qui sont des éléments non linéaires. C'est un petit peu la partie active du qubit supraconducteur, la jonction Josephson. Et grâce à cette jonction Josephson, si on avait juste des électrodes supraconductrices, on pourrait réaliser ce qu'on appelle des oscillateurs harmoniques, c'est-à-dire juste comme un circuit LC qu'on apprend en électronique à l'école. Mais grâce aux jonctions Josephson, on peut transformer ces circuits linéaires un peu bébêtes que sont les circuits LC en des qubits, en des systèmes à deux niveaux supraconducteurs, parce que la jonction Josephson, en fait, est un élément qui est fortement non linéaire. Donc, ça permet d'isoler deux niveaux dans le spectre d'énergie de l'oscillateur harmonique. Et donc, quand on refroidit ces circuits à 10 millikelvin, eh bien, les circuits sont dans leur état quantique fondamental. Et s'ils ont une jonction Josephson, eh bien, on peut isoler un état excité et on a à ce moment-là un espèce de circuit électrique qui se comporte comme un système à deux niveaux. C'est un comportement à basse énergie, c'est-à-dire que c'est en fait un circuit électrique complet, donc c'est juste un comportement effectif à basse énergie, il n'a pas vraiment deux niveaux d'énergie, contrairement à par exemple un spin qui est vraiment un spin électronique qui est vraiment un système à deux niveaux réel. Est-ce qu'on pourrait aller voir un petit peu les installations dont vous disposez ici et voir un petit peu à quoi tout ça ressemble pour que vous suivez ? Alors, donc ça, c'est un cryostat à dilution. Le but d'un cryostat à dilution, c'est de refroidir des expériences à des températures de 10 millikelvin. Donc 10 millikelvin, c'est donc moins 273 degrés. Hein, le zéro absolu est à moins 273 degrés, virgule, je ne sais plus combien. mais donc on se trouve 0,01 degrés au-dessus du zéro absolu. Ces machines qui permettent d'atteindre ces températures-là. Et donc le petit pchit-pchit que vous entendez, c'est justement le bruit de fonctionnement d'un cryostat à dilution qui est en fonctionnement. Donc on a deux cryostats dans cette pièce, il y en a un qui est en fonctionnement, donc qui est refroidi à 10 000 Kelvin, et puis un autre qui est ouvert, et donc qu'on peut regarder. Et alors, donc celui qui est ouvert, donc on voit que en fait toute cette partie-là, donc tout cet ensemble la partie du bas, oui. La partie du bas, hein, tout cet ensemble de parties métalliques en cuivre, c'est du cuivre doré, et puis tous ces composants micro-ondes, tous ces filtres, atténuateurs, tout cela est refroidi à donc 10 millikelvin. Et l'échantillon lui-même se trouve dans une petite boîte qui est ici, au centre de bobine. Donc, dans notre groupe de recherche, nous faisons des expériences qui combinent des circuits supraconducteurs avec des spins. Donc on a un échantillon dans lequel on a à la fois un cristal. Là, dans ce cryostat, il s'agit d'un cristal de calcium tungstate qui contient des impuretés donc qui sont des spins, donc des ions de terre rare, de l'erbium, et sur lequel nous avons fabriqué un circuit supraconducteur. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce circuit supraconducteur pour faire une détection ultra sensible de ces impuretés dans le cristal de calcium tungstate et ces impuretés d'erbium. L'erbium nous intéresse parce qu'il a un moment magnétique assez intense par rapport aux autres systèmes, ce qui en fait un spin qui est assez gros et assez facile à détecter, normalement. Quel type de performance on pourrait obtenir avec ce genre de technologie que vous étudiez là en ce moment ? Notre recherche peut avoir des applications en information quantique, c'est vraiment un de nos axes de recherche, mais ce n'est qu'un des axes. Hein. Donc on est vraiment dans ce laboratoire basé sur plutôt focalisé sur des questionnements scientifiques de type fondamental, comme par exemple, donc, est-il possible de détecter un ion avec des micro-ondes ? Et puis, les applications sont multiples. Pour ce qui est de l'information quantique, les spins dans les solides ont des propriétés extrêmement intéressantes à basse température, parce que ce sont des bits quantiques extrêmement robustes. Ils gardent leur cohérence quantique pendant des très très longues durées. Par exemple, dans ce laboratoire, donc tout récemment, nous avons mesuré des temps de cohérence allant jusqu'à la seconde, hein, une seconde, sur, alors pas tout à fait sur ce système, mais sur des spins des donneurs dans le silicium. Donc ça, c'est bien plus long que les temps de cohérence qui sont accessibles par les qubits supraconducteurs. Donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser des systèmes qui sont peut-être plus robustes à la décohérence et puis de les interfacer avec les circuits supraconducteurs pour bénéficier à la fois des longs temps de cohérence des spins et puis des circuits supraconducteurs qui sont des détecteurs micro-ondes absolument d'un type nouveau et d'une sensibilité qui est inégalée. Donc Voilà ce reportage à l'intérieur donc d'une de ces machines, de ces ordinateurs quantiques à processeur supraconducteur. Peut-être simplement une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Eleni Diamanti. Oui, donc c'est un laboratoire absolument fantastique qui ont fait des travaux vraiment vraiment extraordinaires dans les domaines des qubits supraconducteurs, donc des temps de décohérence des secondes, enfin ça permet de faire pas mal de calculs. Donc ce qu'on peut peut-être dire pour les auditeurs, c'est que cette technique là qui est celle employée par Google a certains avantages, par exemple sur les ions piégés, notamment des avantages de rapidité. Et de maintien d'une cohérence sur un plus long terme, Eleni Diamanti? Oui, pour l'instant, on peut dire oui, effectivement. Donc, c'est ça. Et pour l'instant, ce qui les distingue, c'est cette capacité justement d'avoir un taux d'erreur assez bas. C'est ça, surtout. La rapidité, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne dirais pas que c'est ça l'avantage. Je dirais que c'est surtout le taux d'erreur qu'ils arrivent à avoir avec un système avec beaucoup de qubits. C'est ça. Qui monte à combien à peu près? Bon, enfin, là, 53 chez Google, mais sinon, avant ça, on était arrivé à combien? Pour les qubits supraconducteurs, oui. Avant, on avait 42, je crois, on les avait annoncés, avant ça, 17, oui, dans ces genres. Anthony Huvert, il y a une réaction à ce reportage. Oui, juste la différence entre les qubits supraconducteurs et les ions piégés, je pense que un des avantages, donc les ions piégés, c'est historiquement, c'était le premier, vraiment la première technologie qui a été vraiment très très étudiée pour faire l'ordinateur quantique, hein. Et ça a marché bien au début, donc c'était ceux qui étaient les leaders. Mais c'est vrai qu'on a un problème à un moment donné pour en avoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ions piégés. Parce que les ions piégés, on a tendance à vouloir les mettre en ligne, en une dimension. Et après, pour faire des calculs avec ça, c'est un petit peu compliqué. Si on veut faire parler deux ions piégés très loin l'un de l'autre, c'est un petit peu compliqué. Alors que les qubits supraconducteurs, c'est vraiment des petits circuits électriques qu'on est capable de refroidir. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour mettre plein de qubits sur une chip, sur une puce. J'ajoute aussi assez, effectivement, donc il y a eu des architectures de disposition de ces qubits ioniques qui ont été proposés, pas vraiment mis en place, mais par contre il y a quand même des entreprises maintenant, hein, des startups qui annoncent potentiellement dans quelques mois une centaine de qubits. On verra. Je suis l'homme de l'an 2000, je suis sans problème, ma vie est facile, je ne pense plus du tout. Nous avons un roi qui pense pour nous, c'est... Pythagama, l'ordinateur. Je suis l'homme qui n'a plus faim, je ne comprends pas pourquoi les anciens avaient tant de plaisir à manger. J'avale des pilules qui sont fabriquées par... promener, je ne vais jamais au hasard, j'ai une voiture téléguidée, l'itinéraire est fait avant mon départ, par Pythagama, l'ordinateur. Pour les filles, pas de problème, je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime, tous les soirs je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par l'ordinateur. Quand je pense aux arriérés qui ne pouvaient pas vivre sans amour, je vous dis qu'on est mieux de nos jours. Pour l'homme de l'an 2000, le bonheur parfait, c'est... l'ordinateur. Bêta-gamma l'ordinateur d'Henri Salvador sur France Culture à 16h40 bientôt, puisque nous parlons d'ordinateur quantique, de suprématie quantique, surtout après l'annonce faite par Google d'avoir atteint cette suprématie quantique, c'est-à-dire réussi à réaliser une opération en un temps record, opération impossible à réaliser dans des temporalités humaines par un supercalculateur traditionnel. Nous parlons de tout cela avec Eleni Diamanti, qui est avec nous ici, directrice de recherche CNRS au laboratoire de recherche en informatique à Sorbonne Université, et avec Anthony Leverrier, qui est chercheur à INRIA. J'aimerais qu'on parle un peu justement d'un autre élément de cet article publié par Google, c'est effectivement le très faible taux d'erreur. Eleni Diamanti, pourquoi est-ce que il y a tant d'erreurs finalement dans l'informatique quantique par rapport à l'informatique traditionnelle, où on dit, pour donner un repère aux auditeurs, que c'est une erreur tous les 1017 bits, c'est ça, hein, à peu près. Voilà. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'erreurs en informatique quantique. C'est lié, encore une fois, c'est un non-isolement parfait de notre système quantique par rapport à l'environnement. Il faut comprendre que les corrélations quantiques, les systèmes quantiques sont extrêmement, extrêmement fragiles. Ce sont des états qui sont très difficiles à maintenir de bonne qualité, contrairement aux systèmes classiques qui sont quand même beaucoup plus robustes et stables. Et c'est ça qui fait cette énorme difficulté à mettre ce qu'on appelle scalability en anglais, donc à concevoir des systèmes de plusieurs, des milliers même des qubits qu'on aimerait beaucoup avoir. Mm-hmm. Donc déjà de pouvoir travailler avec quelques dizaines de qubits, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une prouesse technologique. C'est parce que c'est extrêmement compliqué, il y a des erreurs s'accumulent, ils n'aiment pas interagir très souvent les qubits, et quand ils font ça, ils ne font pas ça parfaitement, et c'est parce qu'on est forcément, on doit interagir avec notre environnement, et c'est très compliqué à les isoler parfaitement. Mmh. Antonio Verrier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'erreur, il faut le réduire impérativement, parce qu'on est à une erreur sur 50, je crois. Donc là, oui, c'est ça, c'est une erreur sur 100, donc sur 50. 50, donc 0,1%, 0,2%. Donc 1%, ouais, enfin quelques un peu moins d'1% typiquement par porte, par porte. Donc à chaque fois qu'on va faire une porte logique sur un ou deux qubits, il y aura 1% d'erreur. Donc ça veut dire que si on fait 100 portes typiquement, si on fait 100 fois quelque chose qui a 1% de chance d'être faux, au bout de 100 portes, il n'y a plus rien typiquement, il n'y a plus que du bruit. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, dans l'expérience de Google, ils font 1000 portes, il y a peut-être 0,1% d'erreur à chaque fois, donc au bout de 1000 portes, essentiellement, il n'y a presque plus que du bruit, il y a encore un tout petit peu de signal, et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir la suprématie quantique. Mais il y a beaucoup de bruit, et en particulier, donc ça montre que ce genre de technologie aujourd'hui, elle ne peut pas faire quelque chose d'utile, il y a beaucoup trop de bruit encore. Donc si on veut vraiment faire un ordinateur quantique utile, universel à terme, on va être obligé de lutter contre ce bruit. Donc d'une part en améliorant les portes, toujours en continuant d'améliorer ces portes, mais on va être obligé aussi de mettre en œuvre des procédés, ce qu'on appelle des codes correcteurs quantiques, qui vont permettre de corriger les erreurs. Donc l'idée, ça va être d'avoir un peu de redondance dans le calcul qu'on va faire, pour que même s'il y a un petit peu d'erreur de temps en temps, le fait qu'il y ait la redondance permette de corriger les erreurs, permette de localiser les erreurs, de les corriger. Donc ça, c'est un sujet important. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est une des prochaines étapes pour Google, c'est d'essayer de démontrer leur capacité à également démontrer la correction d'erreurs, être capable de corriger quelques erreurs avec des mécanismes de code correcteur d'erreurs. Qu'on comprenne bien cette notion de redondance, c'est l'idée que la machine, alors je parle sous votre contrôle, hein, corrigez-moi si je dis des âneries, mais c'est que la machine puisse effectivement s'auto-corriger, qu'il y ait une sorte de système finalement de doublon, de répétition en tout cas, de redondance donc de ces opérations, de telle sorte que, eh bien, au final, on obtienne des résultats plus performants, plus sûrs, et des Diamanti. Oui, il faut, dans ces cas-là, il faut faire la distinction entre un qubit logique et un qubit physique. Mm-hmm. Donc, quand on parle des redondances, il faut comprendre qu'on a besoin de beaucoup de qubits physiques dans la vraie vie pour contrôler l'état d'un qubit logique. C'est-à-dire, il y a un de ces qubits, disons, il y a un qubit parmi dans ces groupes qui va participer au calcul et que son état est plus ou moins protégé par ce qui se passe dans l'ensemble de ces qubits. Mmh. Anthony Verrier? Oui, donc, ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'encoder le calcul sur des qubits logiques, ce qu'on veut faire. Donc le calcul, c'est le calcul logique. Et pour faire ça, on va prendre un circuit qui est beaucoup plus gros, qui va consister de qubits physiques, des vrais qubits qu'on peut manipuler. Et en fait, oui, effectivement, donc chacun des qubits logiques va être... en gros, l'information du qubit logique va être dispersée, va être répartie sur, typiquement, ça peut être un millier de qubits physiques. Donc l'idée, c'est que si on veut faire des algorithmes quantiques intéressants, qui nécessitent une centaine ou un millier de qubits logiques parfaits, le nombre de qubits physiques dont on va avoir besoin, ça va exploser par ce facteur 1000. C'est ça. Donc on aura besoin d'un million typiquement de qubits physiques. Donc là, on est à 50 aujourd'hui, donc on voit bien que pour passer de 50 à 1 million, mm-hmm. il y a une marche énorme qu'on ne sait pas encore très bien comment on va franchir. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on met en général la barrière, ou en tout cas le seuil intéressant du nombre de qubits exploitables physiques à 1000, pour dire que grâce à 1000 qubits physiques, on peut commencer à avoir un certain nombre de redondances qui permettent exactement, d'un seul coup de faire un plus grand nombre d'opérations, Eleni Diamanti. Oui, c'est exactement ça. Ça nous permet déjà à concevoir quelques petits algorithmes avec correction d'erreur pour contrer cette accumulation d'erreurs dont on vient de parler. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui est important de retenir, hein, Anthony Verrier, c'est que dans ce papier sur la suprématie quantique, bien finalement le problème résolu par Google est un problème entre guillemets, inutile. Quelles sont les étapes aujourd'hui entre ce premier pas vers une forme de suprématie quantique qui, rappelons-le, reste à confirmer, hein, puisque l'article a été retiré, que pour le moment, Google n'en a pas reparlé, que tout ça demande à être évidemment confirmé dans les semaines ou dans les mois qui viennent, et le début d'une utilisation d'un ordinateur quantique véritablement pour commencer à résoudre des problèmes qui vont être des problèmes ou des problèmes qui posent aujourd'hui encore des soucis aux ordinateurs et aux supercalculateurs classiques. Ça, c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on mentionnait avant, c'est qu'une des voies possibles, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup plus de qubits et puis d'utiliser des codes correcteurs d'erreurs. On voit bien que ça, pour le moment, c'est encore compliqué. C'est encore très lointain. Donc, l'approche plus immédiate, c'est d'essayer de trouver des algorithmes utiles qu'on pourrait mettre en œuvre avec quelques centaines de qubits un petit peu bruités, comme ce qu'a Google, de meilleure qualité que ce qu'ils ont actuellement, parce que c'est quand même encore trop bruité, mais de meilleure qualité. Donc, sans forcément beaucoup de correction d'erreurs actives. Mais donc ça, c'est une grande question ouverte. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de machine? Avec, si on a une centaine, un millier de qubits d'assez bonne qualité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et alors, est-ce qu'on a des idées, Lynn Diamanti? Oui, il y a plein de gens qui travaillent sur ces algorithmes. Donc, il y a plein d'idées. C'est plus avec des algorithmes qui pourraient être utilisés dans le domaine de la chimie, par exemple. C'est pour ça qu'il y a pas mal de chimie quantique. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans cette direction, il y a pas mal des informaticiens, mais aussi des physiciens qui travaillent dans cette direction. Et pourquoi la chimie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Une idée. On peut, par exemple, expliquer où décrire un peu mieux la façon dont des protéines exactement se replient, ces genres de questions. La conformation des protéines, pour expliquer un peu, et alors là aussi je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai que la conformation des protéines, quand on a une protéine, sa conformation, la façon dont elle se déploie dans l'espace va complètement changer ses propriétés, et effectivement ça c'est devient des ça, problèmes qui sont des problèmes mathématiques avec un nombre de paramètres gigantesques et qui dépassent très très rapidement les capacités de calcul des ordinateurs. Et donc ça fait partie des premières applications qui permettraient justement de calculer beaucoup plus vite les différents problèmes de conformation et donc d'avoir des débouchés dans l'industrie pharmaceutique. C'est exactement ça. On parle aussi pas mal des algorithmes approximatifs, c'est-à-dire pour toute application qui n'a pas besoin, disons, d'une réponse exacte, par exemple, qu'on peut se permettre une marge d'erreur, on peut pas tout, hein, mais quelques cas de ce type d'algorithme, on pourrait imaginer que ce type de machine pourrait aider, mais un algorithme approximatif, ça pourrait être quoi ou ça pourrait servir à quoi? Vous avez un exemple en tête? C'est d'habitude des algorithmes d'optimisation. C'est des problèmes d'optimisation. On veut optimiser, donc il y a des problèmes d'optimisation qui sont très utiles, qu'on a besoin de résoudre. En tout cas, que beaucoup d'entreprises ont besoin de résoudre, hein, pour, par exemple, optimiser un trajet. C'est le fameux trajet du postier. Exactement. Là aussi, c'est un problème classique quand on parle d'informatique quantique. On se dit quel est le meilleur trajet, un postier, par exemple, à 100 adresses pour délivrer son courrier. Quelle est l'adresse optimale pour qu'il aille le plus vite possible? Et la route optimale. Ça a l'air très simple. Et en fait, ça, d'un seul coup, le nombre de paramètres explose. Exactement. Et ça devient très compliqué à calculer. Donc, c'est ça, les algorithmes. Exactement. Donc, en général, trouver l'algorithme, la route optimale, ça on sait pas faire, c'est impossible, donc c'est très très dur, on sait que c'est très très dur, même pour un ordinateur quantique, donc c'est pas forcément ce qu'on vise, mais ce qu'on vise c'est trouver une route qui soit presque optimale. Et là, les ordinateurs quantiques peuvent potentiellement... Avec une marge d'erreur. Et potentiellement peuvent trouver des algorithmes, des routes meilleures que celles qui seraient trouvées efficacement par l'ordinateur classique. Alors, avant d'arriver, on voit bien les obstacles qu'il y a avant d'arriver à cet ordinateur quantique universel, c'est-à-dire qu'il pourrait travailler et remplir, faire les tout type d'opérations comme les ordinateurs et les calculateurs classiques aujourd'hui. Eh bien, il y a peut-être des étapes, et notamment des étapes effectivement qu'on dit un peu dégradé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que, par exemple, le Noisy Intermediate Scale Quantum, c'est-à-dire les NISQ, les NISQ, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Oui, donc NISQ. Anthony Verrier. Oui, donc la NISQ, c'est l'idée que de l'époque où on est aujourd'hui, en fait. L'idée, c'est d'avoir des... Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est ces machines quantiques qui commencent à être intéressantes, qui ont un taux d'erreur pas trop élevé, qui ont un grand nombre de qubits. Pas assez encore pour faire la correction d'erreur, mais qui peut faire des choses. Donc c'est-à-dire on est en dessous du millier, en dessous de la centaine. Donc on est typiquement entre la centaine et le millier, et puis on n'a pas de correction d'erreur, donc c'est assez bruité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des calculs très longs, parce qu'au bout d'un moment, il y aura trop de bruit. Mais quels sont les calculs qu'on peut faire avec ce genre de machine? Donc ça, c'est les machines qu'on commence à avoir aujourd'hui. Donc la machine de Google, elle rentre juste dans cette catégorie. Et donc c'est les machines qu'on va avoir à l'horizon 5-10 ans. Donc c'est les machines qu'on va avoir et... La grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines? John Preskill, qu'on citait tout à l'heure, a dit il y a 2 ans, en disant c'est l'ère aujourd'hui, ce qui s'ouvre devant nous, c'est cette ère-là, c'est l'ère de la NISQ. Du NISQ ou de la NISQ d'ailleurs, on se met masculin ou féminin, on dit plutôt là. C'est un mot anglais de toute façon. Noisy Intermediate Scale Quantum, on peut traduire ça par une échelle intermédiaire bruitée quantique. Mm-hmm. Donc c'est exactement la définition qu'a donnée Anthony, c'est-à-dire on accepte des bruits, donc on ne risque pas tous les erreurs, et on a une échelle intermédiaire entre une centaine et des milliers de qubits. C'est exactement ce que ça veut dire, c'est des systèmes qu'on peut espérer d'avoir dans quelques années. Qu'est-ce que, on le disait tout à l'heure, IBM a mis à disposition en ligne un certain nombre, quelques qubits, combien d'ailleurs? J'avais dit, je pensais que c'était 2, mais c'est plus, un peu plus de 2, je suis un peu trop. Je pense qu'il y avait 17. Il y avait 17 qubits. Oui, 17 il n'y a pas longtemps. Et dans une version plus commerciale, il y a 50 aussi. Donc, ouais. Je pense qu'il va l'ouvrir 50 aussi en public. Oui. Alors quel intérêt justement aujourd'hui de mettre comme ça à disposition du public 50, 17 ou quelques dizaines de qubits comme ça accessibles via Internet, Hélène Diamanti? Moi, dans notre environnement un peu des recherches, c'est l'intérêt que j'ai vu, que je vois assez, que ça forme un petit peu les futurs ingénieurs quantiques. Ça permet en fait, ça a une valeur pédagogique assez forte, assez élevée. Ça permet aux gens de se familiariser avec ce type d'algorithmes, de portes quantiques, de jouer un peu avec, si je peux le dire comme ça, de tester quelques petits codes, quelques petits algorithmes. Et donc, ce n'est pas utile, hein, ça ne fait pas, comme on vient de dire, ça ne peut pas faire de quelque chose de très utile, il y a trop de bruit, etc. Mais ça permet de faire quelques petits tests. Donc, je trouve qu'il y a une valeur quand même assez pédagogique, importante, Anthony Le Verrier. Oui, mais un peu plus que ça, je pense que c'est vrai, mais je pense que aussi pour les gens qui font par exemple de la théorie, qui font de la théorie en information quantique, c'est vrai que si on a des idées d'algorithmes pas très qui utilisent quelques dizaines de qubits, la solution habituelle c'était d'aller voir nos amis chercheurs, expérimentateurs qui sont capables de mettre en œuvre cet algorithme. Il n'y en a pas tant que ça, des gens comme ça. Et en général, ils savent déjà quoi faire avec leur circuit quantique, donc ils n'ont pas le temps de faire ça. Et donc là, ça donne beaucoup de temps disponible. Exactement. Donc là, ça donne une possibilité pour des gens qui n'ont pas forcément accès à des collègues expérimentateurs de pouvoir tester leurs idées sur des plateformes. Et même s'ils avaient accès à des collègues expérimentateurs, on ne sait plus faire. c'est quand même des systèmes très compliqués. Donc, à pouvoir mettre des systèmes comme ça au service des serveurs, si je peux les dire comme ça, en fait, finalement, à quoi s'attend? C'est un petit peu l'existence de quelques serveurs quantiques qui pourront faire des calculs pour un plus grand nombre, et ça ne peut pas exister dans chaque labo. C'est ça qui va se passer. Donc, pouvoir accéder à ce type de services, effectivement, c'est important. Quel est aujourd'hui, parce qu'on parle de Google, on parle d'IBM, dans la recherche, il n'y a pas que le secteur privé, on l'a dit, évidemment, le secteur académique qui s'intéresse beaucoup aujourd'hui, le secteur académique fournit la théorie aux grandes firmes qui ont les moyens financiers de passer à la phase de construction, ou est-ce que aussi aujourd'hui au MIT notamment, à Caltech, il y a des moyens pour continuer à développer concrètement et à avancer dans la recherche sur l'ordinateur quantique, Anthony Le Verrier? Sur la théorie, il n'y a pas de problème. La question, c'est la mise en pratique. Après les grands groupes expérimentateurs dans le monde, il n'y en a pas tant que ça maintenant. Il y en a à Harvard, il y en a en France, l'Institut d'Optique. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit que pour faire des grosses manips, pour faire des ordinateurs quantiques avec un grand nombre de qubits, il y a besoin de ressources financières importantes, donc il y a besoin d'argent. On l'a entendu la première partie, d'un environnement extrêmement maîtrisé. Exactement, en termes de température. Il y a beaucoup d'alliances publiques-privées aussi, parce que quand même, il faut jamais sous-estimer la capacité des chercheurs académiques, parce qu'ils ont, c'est là d'où viennent les nouvelles idées, même de la physique fondamentale, mais aussi, quand on arrive à ces niveaux-là, il y a pas mal d'alliances finalement, c'est ce que je remarque, entre quelques industriels et les équipes académiques qui travaillent sur ces sujets. Il y en a en Europe, il y en a en Suède, il y en a en Autriche, il y en a qui travaillent très sérieusement vers à Delft aussi, donc aux Pays-Bas, au Danemark. Oui, il y a des équipes quand même qui travaillent très sérieusement vers ce type de système, soit avec des qubits sous bras ou soit avec des ions piézés. Et il y en a effectivement pas mal d'alliances avec le privé, donc avec l'industriel, donc là, et sur toutes les plateformes technologiques aussi dont on vient de parler. Aujourd'hui, quelle est l'influence d'un coup de pouce, ou en tout cas d'un projet, puisqu'on sait que l'Europe pousse vers justement le financement de cette recherche, et pousse vraiment de manière un peu insistante vers l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, c'est l'un des grands projets de recherche européens. Aujourd'hui, ça a un effet, c'est-à-dire que l'Europe est encore compétitive au niveau international, dans la recherche. Oui, on reste compétitif, l'Europe l'Europe reste compétitive au niveau international, difficile à se comparer avec des géants comme Google et IBM qui mettent quand même un financement extraordinaire. Mais l'Europe reste unie dans ces sujets. L'Europe en général, elle est consciente qu'il faut une coordination scientifique européenne au niveau européen pour arriver à un tel niveau de technologie. L'Europe a aidé beaucoup déjà et continuera à aider dans le cadre du nouveau cadre de recherche via les utiles des infrastructures et donc du coup vers le premier ordinateur quantique européen. Ça existera. Alors justement, si on se projette pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes, si on se projette à cet horizon 2040, pour pas dire que ça vient trop vite, puisque 2030 c'est dans 10 ans, c'est peut-être un peu court. L'ordinateur quantique universel, c'est quelque chose, c'est d'assurer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous en sépare, ça n'est que bien de la recherche évidemment fondamentale, mais ça veut dire que on est assuré d'aboutir dans ce champ de recherche, ou est-ce que pour le moment, ça reste encore un objet théorique dont on n'est pas sûr de pouvoir bien développer jusqu'au bout, c'est de le transformer en objet physique en quelque sorte, Anthony Verrier. Non, je pense qu'on est très très loin d'être assuré qu'il y aura un ordinateur quantique de 20 ou 30 ans. Donc ça, parce qu'il y a donc le gros problème, c'est le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a 50 qubits, on en aura 100 peut-être bientôt. Mais vraiment, pour faire un ordinateur quantique universel, on a besoin de passer aux millions de qubits. Et là, les techniques actuelles, hein, clairement, elles vont pas passer à l'échelle. On va pas pouvoir continuer à ajouter un qubit un par un comme ça. Donc il faut vraiment des nouvelles idées qu'on n'a pas pour l'instant. C'est pas le parcours classique qu'on a pu assister pour les processeurs au moment du développement de l'informatique avec la miniaturisation et la loi de Moore qui voyait une augmentation régulière et continue des capacités de calcul. On n'est pas du tout sur un schéma similaire. Il y a des gens il y a une sorte de loi de Moore qui existe aussi en quantique, hein, qui regarde le taux d'erreur par porte et qui montre que le taux d'erreur par porte a tendance à décroître exponentiellement avec le temps. Mais non, le problème pour vraiment augmenter le nombre de qubits, c'est vraiment pas quelque chose qui se passe comme en classique. Classiquement, si on veut mettre plus de bits classiques, ben on met deux chips côte à côte et il faut juste les faire travailler ensemble, hein, deux puces côte à côte. Quantiquement, ça marche pas du tout comme ça. Quand on veut rajouter des qubits, hein, le problème c'est qu'on a besoin de protéger tous les qubits en même temps et d'être capable de les adresser un par un individuellement sans qu'il y ait des interférences entre les différentes portes. Donc ça, c'est pas clair du tout comment faire aujourd'hui. Et Niamonti, je partage cet avis, c'est-à-dire on a besoin des sauts technologiques majeurs pour arriver, pour passer de 100, on va dire, voilà, 100 qubits à 1 millier et puis ensuite à 1 million. Mais quand même, il faut passer par des jalons technologiques comme ça. Et en fait, ce que je remarque, c'est pour ça que la science est si belle, c'est qu'on remarque de ces types de jalons quand on les franchit, ça stimule énormément la communauté scientifique. Vous avez dit tout à l'heure que quand l'article de Google va être publié, c'est bon, on a atteint la suprématie quantique, mais vous allez voir, il y aura des critiques. C'est exactement ce qui stimule la communauté scientifique. Il y en a déjà, est-ce que c'est la vraie suprématie, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour avoir la vraie suprématie, etc. etc. Et ça, c'est ce qui amène vers des sauts technologiques. La question pour finir, c'est que aujourd'hui, le PC quantique à la maison pour jouer à Fortnite, c'est pas pour demain. Moi, je trouve, vous savez, il y a un ensemble de technologies quantiques, hein, donc on peut avoir un avantage quantique, terme que je préfère mieux à la suprématie quantique. Donc, on peut avoir un avantage quantique sur plusieurs choses. Donc là, la suprématie quantique, c'est un avantage calculatoire, mais on peut avoir un avantage sur la sécurité avec la cryptographie quantique, sur la précision des mesures avec la métrologie quantique. Il y a une large gamme de technologies. Il y en a certaines qui vont arriver chez nous plus rapidement qu'est l'ordinateur quantique portable qui est chez nous. Mais ça va arriver. Un mot, c'est pour conclure. Effectivement, il faut bien rappeler que là, on est sur des machines extrêmement puissantes pour de la recherche et qu'on n'est pas du tout encore en mesure de penser à la commercialisation ou à la diffusion de ce type de technologie à l'échelle individuelle. Non, exactement, ça c'est vrai. Et d'autre part, on ne sait pas du tout, pour l'instant aujourd'hui, on n'a pas d'idée sur l'utilité d'un ordinateur quantique pour monsieur et madame tout le monde. C'est vrai qu'on a des idées pour comment utiliser un ordinateur quantique dans le contexte industriel pour faire la simulation, simuler des protéines, simuler des molécules. Mais les applications qui pourraient servir à tout le monde, pour l'instant, on ne les connaît pas. On est encore au balbutiement du domaine. au grand détriment des enfants de certains membres de l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène Diamanti. Merci beaucoup, Anthony Leverrier, d'être venu nous parler de cette suprématie quantique. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Natacha Triou, Céline Lozède, Alexandra Delbo, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard, qui me regarde avec un regard noir, et Jean-Guilain Meige à la technique. Demain, nous essayerons de comprendre comment nous sommes passés de gentils primates arboricoles qui se nourrissent de baies et d'insectes à de vilains hominines qui se dévorent entre eux. Nous ferons une histoire du paléo-cannibalisme à 16h. Et puis faites une croix vendredi dans votre agenda puisqu'on vous concocte une spéciale Battlestar Galactica aux petits oignons. So say we all, jusqu'à demain jusqu'à 16h. Au contraire, je ne sais plus quoi dire.